Juste avant ça, on démarre la journée avec une bonne dose d'infos. Ce vendredi 19 août 2016, elle est signée Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Une étude de la Ligue des Familles a récemment mis en lumière qu'une année scolaire pouvait coûter en moyenne 1 225 € dans l'enseignement primaire et plus de 1 500 € dans le secondaire. Pourtant, la constitution belge prévoit la gratuité de l'enseignement. Dès lors, l'organisation de défense des consommateurs, Testachat, et la Ligue des Familles lancent une pétition. L'objectif est de limiter les frais scolaires, que les activités extrascolaires liées à un contenu pédagogique soient gratuites, qu'un plafond soit fixé pour les voyages scolaires et qu'enfin, que des tarifs en fonction des revenus soient instaurés pour l'accueil avant et après l'école ainsi que pour les repas à l'école. Toujours pas de solution pour l'avenir des étudiants en médecine. Hier, la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Blocq, et le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, se sont rencontrés. Ils ne sont pas parvenus à un accord. C'est donc toujours l'incertitude qui domine parmi les étudiants. Pour rappel, les étudiants en médecine réclament des numéros INAMI ainsi qu'une clarification de la situation pour les étudiants admis en bac 2 mais ayant échoué au concours en fin de première année. Face à cette absence de solution, les étudiants francophones en médecine ont déposé un préavis de grève à durée indéterminée pour la rentrée académique. De son côté, l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux, considère qu'il faut maintenir une régulation des numéros INAMI. Dans le reste de l'actualité, aux États-Unis, l'incendie géant de Blue Cut restait incontrôlable hier soir, plus de 48 heures après avoir démarré. D'une origine toujours indéterminée, cet incendie qui grossit à vitesse fulgurante a placé plus de 82 500 personnes sous ordre d'évacuation obligatoire. Beaucoup ont trouvé refuge dans la famille ou chez des amis. Aucun décès n'est pour l'heure à déplorer. Deux pompiers se sont retrouvés encerclés mardi par les flammes et ont été légèrement blessés. Près de 1 600 pompiers venus de tout le sud de la Californie combattent les flammes ou participent aux opérations d'évacuation. Et enfin en sport, ils rêvaient de l'or mais se contenteront de l'argent. Les Red Lions ne sont pas parvenus à s'imposer en finale du tournoi de hockey face à l'Argentine. Ils s'inclinent sur le score de 4-2. Pas de médaille par contre pour Jawad Achab et Raeled Azeman en taekwondo. Nos deux athlètes terminent à la 4e place du tournoi dans leurs catégories respectives. En triathlon, superbe performance de Martin Van Riel. Le Belge 25e mondial termine à la 6e place. Et en décathlon, Thomas Van Der Platsen termine à la 8e place. La Belgique ne devrait plus emporter de nouvelles médailles. Enfin, Usain Bolt a conservé son titre olympique du 200 mètres. Le Jamaïcain s'est imposé devant le Canadien André De Grasse et le Français est Christophe Lemaître. Fun Radio. Dans quelques petites secondes, on démarre la journée ensemble avec le meilleur du Sound & Floor. Chris Cab, c'est ce que je vous réserve dans quelques petites secondes. Tiesto et John Legend également, ainsi qu'un petit Liam Summer. Allez, on se fait plaisir. Juste avant, côté météo, est-ce que le plaisir sera au rendez-vous aujourd'hui, Benjamin? Eh bien, le plaisir ne sera pas vraiment au rendez-vous, puisqu'en matinée, des bandes brouillards seront présents. En début d'après-midi, nous prévoyons encore quelques éclaircies avant un retour de possibles averses. Les maxima aujourd'hui seront situés entre 21 et 26 degrés. Un retour des infos à 6h30 et tout de suite, c'est Justin Timberlake sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Le meilleur cocktail de l'été. Soleil, détente et son dance floor. Avec Summer Fun, tous les jours jusqu'à 9h sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance, and ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance, come on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood. my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. Fun, il est 6h09 et dans quelques instants c'est Liam Summer que je joue à côté sur Nanfloor. Le temps pour moi de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes sur Fun Radio, je m'appelle Anto, toute l'équipe est rendez-vous. On a Étienne à la réalisation, on a Benjamin pardon aux infos. Et puis Coralie qui est présente comme chaque jour. Comment ça va ma coco? Ça va super bien et toi? Bah écoute, très très bien. Dernier jour de la semaine déjà qu'on passe ensemble. Et puis il restera 5 émissions de Summer Fun, ça va très très vite. Le temps pour nous terminer l'été ensemble. Si on fait un petit bilan là comme ça Coralie, après 2 mois, ça s'est quand même franchement bien passé. Ah ouais, moi je me suis éclaté. On a bien rigolé, on a fait plein de choses, on a rencontré plein d'auditeurs. Et d'ailleurs il y aura encore la possibilité de rencontrer plein d'auditeurs la semaine prochaine, parce qu'on ouvre l'émission eh bien à nos auditeurs. Oui, et pour venir c'est très simple, je vous suis envoyé un mail à anto@funradio.be ou encore sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. Vous nous dites que vous avez envie de venir passer la matinée avec nous, vous pourrez profiter du petit-déj, participer à en l'émission plus. Passer du temps un petit peu avec nous aussi. Et pour ça, donc voilà, il vous suffit d'envoyer un petit mail et on vous recontacte tout de suite derrière. Et surtout le petit-déj qui sera offert par la boulangerie L'Artisan en Forêt. Il cartonne ce petit-déjeuner, vous allez voir, il est super bon et c'est ce qu'on vous offre tous les vendredis de l'été. Quoi de mieux pour bien démarrer la journée que faire un petit tour du côté de l'éphéméride? C'est l'éphéméride sur Fun Radio. Et nous sommes le vendredi 18 août, Coralie. 232e jour de l'année et 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À eux, d'Aguéric et à Namadi. Bonne fête à vous, les amis. Et puis des stars sont nés également ce vendredi 19 août. Matthew Perry est né le 19 août et il est un acteur de Friends. Ah oui, je me souviens. Sinon, l'anniversaire de Bill Clinton est aussi aujourd'hui. Ainsi que Valérie Kapryski, qui est une actrice française. Nous sommes la journée mondiale de l'aide humanitaire aujourd'hui. Oui, et l'ONU a promulgué le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, en espérant sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ses actions partout dans le monde. Ce qui est mille fois vrai. Merci d'être avec nous sur Fun Radio, il est 6h11. On parle des jobs étudiants aujourd'hui. Quel a été votre job étudiant le plus fou? On en parle jusqu'à 9h. Avant ça, c'est Chris Cap qui arrive, ainsi que Liam Summer sur Fun. Memories on my mind, I think of you all the time. I can't resist it when you move me right. écoutez Fun Radio. Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun Radio, il est 6h17. Dans quelques petites secondes, on se fait plaisir avec le duo Tiesto et John Legend, Summer Night. C'est ce que je vous réserve dans la suite. Le temps pour nous de prendre la direction de la mer du Nord, Coralie, parce qu'on a des essais de wave karting à vous offrir. Et ça se passe du côté de Newport avec toute la team de Fun Radio. La classe. Vous pourrez nous accompagner pour aller faire du wave karting pour ceux qui ont envie de découvrir de toutes nouvelles sensations. Et ben, c'est vraiment l'occasion ou jamais, vous pourrez conduire votre propre bateau qui monte à plus de 60 km/h sur la mer du Nord, donc avec les vagues, avec le vent, avec tout ce qu'elle comporte. C'est un peu comme un jet ski en version bateau. Voilà, c'est exactement ça. C'est un peu plus gros qu'un jet ski. Vous pouvez le faire tout seul ou alors à plusieurs. Ça, c'est à votre choix. Et en plus de ça, vous pourrez venir avec la personne de votre choix. Bah, classe. Si ça, c'est pas un beau cadeau quand même. Et si vous voulez repartir avec vos entrées, vous m'envoyez merde par SMS au 6322. C'est 1€ par message. Donc, si vous avez envie de voir des vidéos aussi, parce qu'on a fait quelques vidéos, rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio ou www.funradio.be. Dans quelques petites secondes, on fait un tour du côté de l'horoscope du jour. Que se passe-t-il pour dans l'amour? Eh bien, c'est ce qu'on découvrira juste après Tiesto et John Legend. Summer Night, c'est ce qui arrive à 6h18 sur Fun. Bon réveil, merci d'être avec nous. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. Summer nights, getting high like the first time. You and I in my bed, getting undressed. It's about to go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be. I got to tell you right now, baby. On se réveille ensemble avec dans quelques petites secondes le titre de Unique et Mercy, qui était d'ailleurs en interview chez nous il y a pas très longtemps. La vidéo à retrouver dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio. Et on l'écoute juste après ça. Bonne ou mauvaise nouvelle, comment va se passer votre journée? C'est l'horoscope sur Fun Radio. Et c'est l'horoscope de l'amour. Comme tous les matins, Coralie, tu as consulté les astres pour nous. Et on commence avec nos amis les béliers. Vous aurez le pouvoir d'accélérer les choses. Les taureaux. C'est le calme plat en amour. Ne vous plaignez pas si c'est votre choix. Les gémeaux à présent. Il y aura du piment dans vos amours et de la nouveauté au travail. Les cancers. Vous aurez l'occasion de soigner votre réputation ce week-end. Profitez-en. Les lions. Vous serez la personne de la situation. Les vierges, Coralie. Il semble que le ciel ait décidé de ne pas vous accorder tout de suite ce que vous désirez. Patience. Les balances. Ne vous limitez en aucun cas, car vous gérez tout ce que vous entreprendrez. Allez, les scorpions. Et grâce aux erreurs, gare aux erreurs de jugement, ils vous porteront préjudice. On peut dire aussi, grâce aux erreurs, vous serez dans le préjudice. Voilà. Oui. Les sagittaires. Vous ferez facilement repérer aujourd'hui grâce à l'originalité de vos idées. Les capricornes. Vous agissez avec trop d'impulsivité et ça pourrait blesser votre moitié. Les verseaux à présent. Vous allez être honnête avec votre entourage et tout le monde appréciera. Et les poissons pour terminer. Il y a des jours comme ça où on se pose plein de questions où on est nostalgique. C'est le cas pour vous aujourd'hui. Courage. Courage à vous les poissons. Vous reconnaissez l'horoscope. Vous avez envie d'interagir avec nous. Comment ça se passe, Coralie, pour rester connecté? Par SMS au 3044 et 50 centimes par message, ou alors sinon sur la page Facebook de l'émission Summer Fun. À bon réveil, voici Unique et Mercy sur Fun Radio. Welcome. Oh Lord, have mercy, mercy, mercy. Money them and a party, party, party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only he can make me higher, higher, higher, higher, higher. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Party. The all of them sexy, sexy, sexy. Watch them just to follow me, follow me, follow me. Have mercy, mercy, mercy. None of them no move me, move me, move me. Shy guy, yeah, me want you, want you, want you. Only he can make me higher, higher, higher, higher. Fire, sur tous ces beaux parles-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Je m'envole, non personne ne m'a. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver, rêver. Oh, oh, oh, oh. Baby, baby, let it go. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde.

Pitbull, c'est ce que je vous cale dans un instant côté son dance floor sur Fun. Fun. Fun Radio. Juste avant ça, il est 6h30, on s'informe avec Benjamin Verporten. Salut Benjamin. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Toujours pas de solution pour l'avenir des étudiants en médecine. Hier, la ministre fédérale de la Santé, Maggie Debloch, et le ministre de l'Enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, se sont rencontrés. Ils ne sont pas parvenus à un accord. C'est donc toujours l'incertitude qui domine parmi les étudiants. Pour rappel, les étudiants en médecine réclament des numéros INAMI ainsi qu'une clarification de la situation pour les étudiants admis en bac 2, mais ayant échoué au concours en fin de première année. Face à cette absence de solution, les étudiants francophones en médecine ont déposé un préavis de grève à durée indéterminée pour la rentrée académique. De son côté, l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux, considère qu'il faut maintenir une régulation des numéros INAMI. Une étude de la Ligue des Familles a récemment mis en lumière qu'une année scolaire pouvait coûter en moyenne 1 225 € dans l'enseignement primaire et plus de 1 500 € dans le secondaire. Pourtant, la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement. Dès lors, l'Organisation de défense des consommateurs, Test-Achat, et la Ligue des Familles lancent une pétition. L'objectif est de limiter les frais scolaires, que les activités extrascolaires liées à un contenu pédagogique soient gratuites, qu'un plafond soit fixé pour les voyages scolaires et enfin que des tarifs en fonction des revenus soit instauré pour l'accueil avant et après l'école, ainsi que pour les repas à l'école. Quelles sont les villes les plus accueillantes au monde? Eh bien, selon les lecteurs du magazine américain CN Traveler, Charleston, en Caroline du Sud, aux USA, est la ville qui réserve le meilleur accueil de la planète aux voyageurs. Sydney, en Australie, et Dublin, en Irlande, complètent le podium. Et à la 9e place, eh bien, on retrouve une ville belge, la Venise du Nord, à savoir Bruges. Ce classement se fonde sur les réponses de 128 000 lecteurs du magazine Reader's Choice Award. Ces lecteurs, majoritairement américains, ont donné leur avis sur l'accueil qui leur avait été fait, si les locaux étaient prêts à aider les voyageurs également, et s'il était facile d'évoluer dans la ville. Et enfin, en football, eh bien, hier soir, Anderlecht s'est imposé 0-3 face au Slavia Prague dans le cadre des barrages de l'Europa League. De son côté, Genk est reparti de son déplacement au Lokomotiv à Zagreb avec un partage 2-2. Les Limbourgeois peuvent nourrir des regrets car ils menaient 0-2 avant de voir le Lokomotiv à revenir au score en moins de 7 minutes. Enfin, la Gantoise est difficilement venue à bout des Macédoniens de Shkendija 2-1. Et ce soir, on entame la 4e journée de la Division 1A avec le derby entre le Standard et Charleroi. Début du match à 20h30. Fun. Dans quelques instants, c'est Kung, c'est This Girl qui arrive sur Fun côté son dance floor. On fera également un petit plaisir avec Amir, c'est mon coup de cœur du moment et je vous le partage dans un instant. Juste avant, côté météo, est-ce que le soleil sera au rendez-vous aujourd'hui, Benjamin? Eh bien, le soleil sera en rendez-vous, mais seulement en fin de matinée. Il laissera rapidement la place à de faibles pluies durant l'après-midi ou en soirée dans certains endroits. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés. Retour des infos à 7h. Tout de suite, Amir pour le son dance floor sur Fun Radio. Fun Radio. Fun. Tous les matins, c'est Summer Fun avec Anto sur Fun Radio. J'ai cherché un sens à mon existence, j'y ai laissé mon innocence, j'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance, j'ai payé le prix du silence, je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi, donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la voltures, c'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Sur Fun, il est 6h37, on termine la semaine, on démarre le week-end ensemble avec dans quelques petites secondes Kung, c'est This Girl. Courage à vous d'ailleurs si vous êtes sur la route direction le boulot. Aujourd'hui on se détend et on parle des jobs étudiants, Coralie, parce qu'en tant qu'étudiant, eh bien c'est toujours sympa d'avoir un petit job pour se faire de l'argent, pour se motiver, pour apprendre également à entrer dans la vie réelle. Est-ce que toi tu as déjà eu des expériences comme ça dans le job étudiant? Oui, j'ai travaillé dans une pizzeria. Une pizzeria, ça se passait comment? Ça se passait très bien, j'étais serveuse, je servais les clients, bon je faisais la vaisselle, et voilà, en gros c'est ça mon travail. Tu faisais un petit peu tout quoi. Voilà c'est ça. Et tu t'es payé combien de l'heure là-bas? Je t'ai payé 11 euros de l'heure. 11 euros de l'heure, vous imaginez, c'est quand même pas mal. Vous, est-ce que vous avez un... C'est vrai, quand on regarde une caissière qui peut gagner parfois 9, 10 euros. Je me rappelle, moi, un job étudiant que j'ai fait il y a quelques années, c'était barman dans le Hainaut, près de chez moi. Je gagnais 6 euros de l'heure en net. Ah. Imagine un peu le dos. Fun. Sur la plage. Radio. Vous écoutez Fun Radio. I love Fun Radio.

Dans le reste de l'actualité, aux USA, l'incendie géant de Blue Cut restait incontrôlable hier soir, plus de 48 heures après avoir démarré. D'une origine toujours indéterminée, cet incendie qui a grossi à vitesse fulgurante a placé plus de 82 500 personnes sous ordre d'évacuation obligatoire. Aucun décès n'est pour l'heure à déplorer, mais deux pompiers se sont retrouvés encerclés mardi par les flammes et ont été légèrement blessés. Près de 1 600 pompiers sont venus de tout le sud de la Californie pour combattre les flammes et participent aux opérations d'évacuation. Et enfin, on termine avec une toute dernière page sportive en football. Anderlecht s'est imposé 0-3 face au Slavia Prague dans le cadre des barrages de l'Europa League. De son côté, Genk est reparti de son déplacement au Lokomotiv à Zagreb avec un partage 2-2. Les Limbourgeois peuvent nourrir des regrets car ils menaient 0-2 avant de voir le Lokomotiv à revenir au score en moins de 7 minutes. Enfin, la Gantoise est difficilement venue à bout des Macédoniens de Skendija 2-1. Et ce soir, on entame la quatrième journée de la division 1A avec le derby entre le Standard et Charleroi. Début du match à 20h30. Fun Radio. Dans un instant, c'est Queen Gendy, Ariana Grande ou encore David Guetta qui arrive sur Fun Radio. Juste avant, côté météo, que se passe-t-il dans le ciel aujourd'hui, Benjamin? Eh bien, en matinée, des bandes brouillard seront présents. Soyez prudents sur les routes. Et puis, les éclaircies de la fin de matinée laisseront place à de faibles pluies durant l'après-midi, voire seulement en fin de soirée dans certains endroits. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés. Retour des infos à 7h30. Et tout de suite, c'est David Guetta sur Fun Radio. Trouvez toutes vos émissions préférées dès maintenant sur Facebook, Twitter et Instagram. Vivez, partagez et communiquez avec vos animateurs préférés toute la journée, partout, tout le temps. Connectez-vous dès maintenant sur la page officielle de Fun Radio et likez les pages de vos émissions préférées pour ne rien rater. Fun Radio, chaque jour plus proche de vous. Fun Radio, le son dance floor. Summer Fun. We're in this together. Here are 7h07 sur Fun Radio. Bon réveil, la belle et talentueuse Ariana Grande, c'est ce que je vous balance dans un instant. Avec son titre Into You, le temps pour nous, Coralie, de faire un point sur l'éphéméride du jour. Nous sommes le vendredi 19 août 2016 déjà. Oui, et le 232e jour de l'année, fin de la 33e semaine déjà. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À eux, d'Aguerri et à Namadi. Et bonne fête à vous les amis. Et puis des stars sont nés également ce vendredi 19 août. L'acteur de Friends, Matthew Perry, est né le 19 août, Bill Clinton ainsi. Et Valérie Caprisky, qui est une actrice française. Et puis c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire aujourd'hui. Oui, et l'ONU a promulgué le 19 août, journée mondiale de l'aide humanitaire, en espérant sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de ses actions partout dans le monde. On parle des jobs étudiants aujourd'hui les amis. Quel a été le job le plus original ou le plus fou que vous avez pu faire durant votre adolescence? J'attends vos réactions dès maintenant par SMS au 3044. Voici Ariana Grande sur Fun à 7h08. Save me. 7h15 sur Fun, Enrique Iglesias de El Corazon, c'est ce qui arrive dans un instant. Direction l'Espagne, direction la péage. Les doigts de pied en éventail. Le tout dans quelques instants sur Fun. Le temps pour nous de parler de Fabien Feyesh, Coralie, nous on l'adore dans l'équipe. On le kiffe. Il cartonne, le principe c'est un humoriste, en fait il téléphone à des inconnus qu'il trouve dans le bottin pour eh bien, les ennuyer un petit peu, pour les pousser à bout. Et franchement ça nous offre des séquences plus qu'exceptionnelles chaque matin. Aujourd'hui on parle avec lui des voitures Citroën. Oui, bonjour, je vous appelle, en fait, j'aimerais avoir des renseignements sur les bagnoles. Et vous voudriez savoir quoi, alors? Qu'est-ce que vous pensez de la Mégane? C'est de la bonne bagnole, ça? Moyen. Moyen? Ouais. Vous en avez de la Mégane en stock? Non, je vais pas avoir de Mégane chez Citroën, non. Je vois plus chez Renault, alors. Ah, d'accord. Excusez-moi, alors. Il va s'excuser, mais va continuer toute la journée. On va écouter l'extrait tout à l'heure aux alentours de 7h40. Dans quelques secondes, c'est le Club Buzz du jour, Coralie, qui est plutôt insolite aujourd'hui. On va partir du côté de la Chine pour parler d'une femme qui... On peut pas vraiment dire qu'elle a de la chance. Je pense que... Elle a un petit souci. Voilà, elle a un petit souci. Bon, peut-être que ça peut lui faire plaisir, à mon avis. Moi, je trouve pas qu'elle a de la chance. Je pense pas non plus, on va découvrir ça dans quelques instants. Et côté son dancefloor, c'est Milo qui arrive juste avant ça, ainsi que Doulet et Colazon. Comment bien manger quand on n'a pas de verger? Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges, super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines claudes bien sucrées. Et les présidents, idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son. Dance Floor. Solo en tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él. porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. La journée démarre ensemble, doucement mais sûrement, avec Summer Fun jusqu'à 9h en direct. Milo, c'est ce que je vous cale dans un instant. À 7h21 sur Fun, bon réveil. Info, scoop, people, médias, c'est le Club Buzz sur Fun Radio. Et Coralie, le Club Buzz, c'est l'info qui a buzzé sur la toile cette nuit. On parle d'ailleurs d'une jeune femme qui a eu un petit souci en Chine. Voilà, on va parler de Wang Shi qui est tombée enceinte en février. En février, donc. Mais alors, en février 2015. 2015. Ça fait donc 17 mois qu'elle est enceinte. Son accouchement était prévu pour le 15 novembre, mais. Elle avait un petit souci, un petit retard. Oui, le bébé a pas envie de voir le jour, visiblement. Donc 17 mois, c'est vraiment énorme. Et il y a beaucoup de gens qui ont douté en fait de la véracité de cette quand info. Même, bien sûr. Mais elle a plein de documents qui prouvent qu'elle est tombée enceinte, donc en février 2015, et que donc son enfant n'est toujours pas sorti. Bon, c'est des choses qui arrivent. Généralement, c'est assez rare que ça dure aussi longtemps. On a probablement battu un record du monde, parce que le dernier date de 1945 avec seulement 12 mois de grossesse. Donc on est encore très très loin des 17 mois. Mais pourtant le bébé aujourd'hui se porte très bien. Avec il pèse 3,8 kg. Il a aucun site de santé. Elle a accouché depuis. Non. Ils ont estimé qu'il pesait 3,8 kg, que la maman n'avait aucun souci, mais qu'elle devrait subir une césarienne au cours du 18e mois, donc le mois prochain. Mais on ne sait pas la provoquer. On doit savoir faire ça, provoquer l'accouchement pour que le bébé sorte plus vite. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais en tout cas, il y a une raison à tout ça. Et une raison quand même à tout ça, c'est que selon les médecins, ce problème est lié à un mauvais développement du placenta qui se trouve en dessous de l'utérus au lieu de se trouver normalement. Et donc son col est protégé et l'accouchement ne peut pas démarrer. Et quand on voit la photo d'ailleurs, quand vous postez dès maintenant sur la page Facebook de l'émission, en fait on dirait un triangle. Un c'est triangle vrai. En angle droit. Oui, c'est vrai que elle a vraiment un ventre qui est énorme. Maintenant, après 17 mois de grossesse, c'est normal. Le bébé a quand même dû pas mal grandir. C'est quand même un bébé de 6 mois, quoi. C'est complètement affolant quand on voit la photo. En tout cas, on va publier dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Merci d'être avec nous ce matin. Un bébé de 8 mois, pardon. De 8 mois, oui, c'est un peu différent. Merci d'être avec nous ce matin. En tout cas, les amis, vous avez envie qu'on vous appelle, vous avez envie qu'on souhaite l'anniversaire d'un pote ici à l'antenne en direct sur Fun Radio. C'est quand même pas mal comme cadeau. Comment ça se passe? C'est très très simple. Jean,

Les meilleurs plongeurs du monde s'affrontent en ce moment à Rio et les pires, eux, sont à Oslo. Les championnats du monde de plongeon de la mort ont lieu en ce moment à Oslo, en Norvège. La discipline consiste à effectuer une bombe, la plus spectaculaire possible, au départ d'un tremplin de 10 mètres. Mais un détail flagrant étonne à la vue de ces images. Les compétiteurs de l'extrême semblent en effet heurter de plein fouet la surface de l'eau, soit de faire un plat, pourtant réputé comme étant particulièrement dangereux. Le but du jeu consiste en réalité à semer une illusion auprès des spectateurs. Les participants changent subtilement de position au dernier moment pour amortir le choc. Le gagnant sera dès lors celui qui parviendra le plus habilement à masquer cette sympathique supercherie. Bref, des plongeurs finalement plus doués que prévu. Fun. Fun Radio. Dans un instant, c'est Cashmere et Wildcard que je vous cale côté son dancefloor sur Fun. Juste avant, est-ce que la météo sera bonne ce week-end, Benjamin? Eh bien, nous aurons droit à quelques éclaircies aujourd'hui avant le retour des nuages et de la pluie. Les maxima se situeront entre 21 et 26 degrés. Et ce week-end, eh bien, il sera venteux avec des averses prévues dimanche. Retour des infos à 8h, tout de suite, et à Calvin Harris et Rihanna pour le son dancefloor sur Fun Radio. Fun. Fun Radio. Summer Fun, c'est du son dancefloor. Et de la bonne humeur tout l'été sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Couldn't even get an answer. I tried to call, but my pride won't let me die. I know you can hear me. Une sur Fun, merci de vous réveiller avec nous. Et Cashmere Wildcard, c'est ce que je vous réserve côté son dancefloor dans un instant. Le temps pour nous, Coralie, d'accueillir Fabien Feuillèche. On le connaît, on l'adore, Fabien Feuillèche. Oui. C'est un humoriste qui décroche son téléphone et qui appelle des entreprises, des magasins ou des particuliers qu'il trouve dans le bottin pour eh bien, les énerver, les faire s'exciter le matin. Et ici, eh bien, justement, on va écouter Fabien Feuillèche qui téléphone à un concessionnaire pour acheter une voiture mais qui n'a rien à voir avec la marque. Il va évidemment agacer le concessionnaire. Écoutez. Bonjour. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Je m'appelle Fabien Feuillèche. Je viens d'avoir le permis et donc j'aimerais avoir des renseignements sur les bagnoles. D'accord, ne quittez pas, je passe le commercial. Merci. Allô ? Allô ? Oui. Oui, bonjour, je vous appelle. En fait, j'aimerais avoir des renseignements sur les bagnoles. Et vous voudriez savoir quoi alors ? Qu'est-ce que vous pensez de la Mégane ? C'est de la bonne bagnole ça ? Moyen. Moyen ? Ouais. Vous en avez de la Mégane en stock ? Non, je vais pas avoir de Mégane chez Citroën, non. Je vois plus chez Renault alors. Ah d'accord. Excusez-moi alors. Pas de problème. Renault, bonjour. Oui, bonjour, c'est encore Fabien Feuillèche là. Oui. Oui, bah en fait, je me suis renseigné, moi c'est la Focus qui m'intéresse. Ah ouais, non, bah non, pareil. Ah bon ? Je vous ai dit, chez Citroën, on fait pas de. Enfin, je fais pas de. C'est que du Citroën. Ah, je suis désolé, excusez-moi alors. C'est pas grave. Allô ? Oui. Je suis toujours chez Citroën ? Toujours. Juste un renseignement, l'Opel Corsa, ça vous en avez ? Non, non, du tout, non, mais j'ai que du Citroën, monsieur, là, vraiment, je... Alors, moi, à la limite, je suis pas fermé, hein, je peux aussi peut-être partir sur une Twingo. Ça, vous en avez? Non, non, on fait que du Citroën. Merci, monsieur. Au revoir. Bonjour. Oui, bonjour. C'est encore Fabien Feyèche, là. Ouais. Juste une dernière question. L'Audi A4, c'est Citroën? Non, mais monsieur, là, je sais pas comment faut vous dire. Vous devez pas avoir la lumière à tous les étages. Pourtant, on dit Citroën Audi A4, non? Sans vouloir vous vexer, monsieur, mais vous êtes con comme la lune, là. Franchement... Fabien Feyèche. Fabien Feyèche. Là, je sais pas comment faut vous dire. Vous devez pas avoir la lumière à tous les étages. Merci Fabien Feyèche, en tout cas, qu'on a retrouvé durant tout l'été. Là, on va le laisser partir en vacances, Fabien Feyèche. Ah, et on retrouvera très bientôt, évidemment. Coralie, dans quelques secondes, on appelle là en lutte d'entre vous pour vous souhaiter un bon anniversaire. Oui, et mais vous souhaitez qu'on vous souhaite un bon anniversaire à vous ou alors à l'un de vos proches, vous envoyez Anif par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et on vous rappelle juste après, à tout de suite. Attends, je sais que t'as envie d'un jus de fruits maternes, mais pas en pleine nuit quand même. Les jus de fruits maternes, ça donne envie de se lever plus tôt. Merci les fruits. Merci maternes. Au rayon frais. Écoutez, c'est le son de l'été. This is summer. Fun Radio. Le son dance floor. Le son dance floor. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin, wanna take a ride. You know you're dealing with the wild card. If you go all in, I'll make your troubles fall. Might take your diamonds, but I'll steal your heart. Sur la route du boulot, la route des vacances peut-être si vous partez seulement. Pas de panique, dans quelques secondes, le Sundance Floor continue avec le duo D'Oro et Elvis Crespo, Bailar. C'est ce qui arrive dans un instant. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on parle des jobs étudiants ce matin. Quel est le job étudiant le plus original, le plus insolite que vous avez déjà fait dans votre adolescence? On en parle jusqu'à 9h. On a reçu quelques petits SMS, on va les lire juste après l'anniversaire du jour. On appelle Christophe qui est avec nous ce matin, qui a 36 ans, qui habite Carnières. Salut Christophe. Comment ça va bien ce matin, Christophe? Très bien, ça va. Tu habites Carnières, donc c'est près de Morlanwey dans le Hainaut, pour resituer un petit peu. Et tu as envie de souhaiter un bon anniversaire à Tatiana. C'est qui Tatiana pour toi? C'est ma femme. C'est ta femme, eh bien. On va, elle fête ses 32 ans aujourd'hui. On va l'appeler en direct et je te propose, dès qu'elle est là, de lui souhaiter toi un bon anniversaire, ok? Ok, merci. Allez, on l'appelle en direct ce matin à 7h47. Est-ce que Tatiana va décrocher au téléphone? J'espère. Ah oui. C'est la surprise toujours. Attention, Tatiana. Avec ce bruit de ventilation qui nous fait, le, qui nous fait du bien. Le bruit de voiture. Ah, Tatiana. Tatiana, tu es en direct sur Fun Radio ce matin. Avec Christophe, on voulait te souhaiter un bon anniversaire. Christophe, si tu as envie de dire un petit mot à ta chérie. Ben voilà, je voulais que ce soit un peu plus original cette année. Je voulais souhaiter un bon anniversaire à la radio et que je l'aime très fort. C'est tellement mignon. Oh. On te fait des bisous, Christophe. Ouais. Tatiana, 32 ans, ça se fête. Je te souhaite une excellente journée. A très bientôt, Christophe. Grand merci. Bisous. Des bisous. Vous avez vous aussi envie qu'on vous appelle? Vous avez envie de souhaiter l'anniversaire d'un proche ici à l'antenne en direct sur Fun Radio? Comment ça se passe? C'est très simple. Pour souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un que vous kiffez dans Summer Fun sur Fun Radio, envoyez Aniv par SMS au 3044, 50 centimes d'euros par SMS. Fun Radio. Party all night all summer. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing club. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Sprite. Du pur rafraîchissement et puis c'est tout. Sprite, born to refresh. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. Avec Anto sur Fun Radio. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito.

réveil sur Fun Radio, soyez les bienvenus. On démarre la journée ensemble avec dans quelques petites secondes mon coup de cœur du moment, Madcon et Willy William. Je le partage avec vous dans quelques secondes. Keep my cool, c'est ce qui arrive sur Fun. Le temps pour nous de faire un tour du côté de l'éphéméride du jour. Coralie, nous sommes déjà le vendredi 18 août. 19 août, le 232e jour de l'année, fin de la 33e semaine. Des bonnes fêtes à souhaiter aujourd'hui. À Euda, Guéric et à Namadi. Bonne fête à vous les amis. Et puis les stars sont nées ce vendredi 19 août. Matthew Perry, l'acteur de Friends, est né le 19 août. Bill Clinton aussi, ainsi que Valérie Caprisky, qui est une actrice française. Et puis c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire aujourd'hui. Oui, et cette journée a été créée par l'ONU pour sensibiliser l'opinion publique à l'assistance humanitaire et à la nécessité de soutenir ses actions partout dans le monde. Merci beaucoup Coralie. Tout à l'heure, on vous offre des caméras 360 degrés. Ça sera à choper sur la page Facebook de Summer Fun tout ce week-end. Comment ça se passe? En quoi consiste cette caméra 360? On vous dira tout aux alentours de 8h50. D'ici là, c'est Madcon et Keep My Cool qui arrive à 8h08. Bon réveil sur Fun. Girl, you know. Keep my efforts et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Et quand je te vois, je suis censé rester cool. T'es pas du genre à venir en taxi. Le chauffeur t'a déposé toi et ta beauté. Mat le tapis que je suis en train de te dérouler avec classe. Mais je n'ai pas le temps, car à minuit tout s'efface comme Cendrillon. Si le courant passe, mon carrosse est devant. Mais et je suis censé rester cool. So fresh and so clean. Try and get a vibe but keep it low key. I said don't worry, the drinks is on me. And how to keep cool when this chick is so real. Yeah, blown off the meter. Repeat to myself, keep cold when you meet her. Don't need to get drunk to talk, but with that juice in your truck, how am I supposed to keep my Zen, cool et souriant en écoutant Summer Fun jusqu'à 9h. Le meilleur du Sundance Floor et de la bonne humeur, c'est ce qu'on vous offre tous les matins entre 6h et 9h. Et dans quelques petites secondes, Imani et Don't Be So Shy. Le temps pour nous l'appeler Laura qui a 25 ans, qui habite la Louvière. Salut Laura. Bonjour. Comment ça va bien ce matin? Mais ça va bien et vous? Mais écoute, très très bien, je vois que t'es souriante, que t'as la pêche, ça fait super plaisir. Laura, j'ai une plutôt bonne nouvelle pour toi, puisqu'on t'envoie sur la mer du Nord pour essayer le wave karting, bravo! Ouais! Super! Tu vas pouvoir aller profiter d'une bonne dose de sensations fortes, Coralie. Et en plus de ça, avec toute la team de Fun, tu pourras venir faire tester le wave karting avec nous et la personne de ton choix. Ça va se passer le dimanche 28 août. Et j'espère que tu kifferas en tout cas. Bah évidemment. Attention au coup de soleil. Ah ben j'espère, c'est mon copain qui va être content. Ah ben j'espère que ça se passera bien. Je te souhaite une excellente journée. Attends, juste avant, petite question sur les jobs étudiants. Est-ce que tu as déjà eu un job étudiant un peu original lorsque tu étais jeune? J'ai travaillé dans une friterie, mais allez, c'est un peu, on va dire que j'adore, c'est original. J'adore les frites. Sauf que ce qui est frustrant, c'est que tu pouvais pas les manger. Ça, c'est la grosse petite nuance. Ah si, si, si, bien sûr que si. Ah, tu les mangeais quand même. Ah bien sûr, hein. Ah, et bah dis donc. Attends. Merci beaucoup, Malora, je te fais des bisous, à très bientôt. Merci à vous, c'est super. On vous offre encore des places, les amis, pour repartir avec du F-Karting. Comment ça se passe, Coralie? Il vous suffit d'envoyer mère par SMS au 6322, c'est 1€ par message, on fait un tirage au sort à 9h15. Et bonne chance à vous, toutes les infos et vidéos d'ailleurs retrouvées dès maintenant sur funradio.be. Kid Noise, c'est ce qui arrive dans un instant. Juste avant, c'est Imani et Don't Be So Shy, 8h13 sur Fun. Rest your head, close your eyes, you are mine. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. My clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Sur Fun Radio, merci de vous réveiller avec nous. Et Kid Noise, c'est ce qui arrive dans quelques petites secondes. Le temps de vous rappeler le principe du Battle Fun, Coralie. Le Battle Fun, c'est très simple. Vous passe un extrait d'une chanson qui a été modifiée par notre réalisateur Étienne. Vous devez nous envoyer soit le titre, soit de l'artiste par SMS au 3044. On fait un tirage au sort pour y repartir avec vos places de cinéma. Avec des places de cinéma à gagner. Écoutez, c'est très très simple, franchement. On va donner un indice quand même. On l'appelle souvent Riri dans le milieu. Là, on a carrément donné la réponse. Attention, écoutez bien. Vous avez la réponse, vous pensez l'avoir. Vous envoyez tout ça dès maintenant par SMS au 3044. Tirage au sort dans moins de 5 minutes, juste avant c'est Christina Milian qui arrive sur Fun. You probably thinking that I won't 23 sur Fun, le duo belge Dimitri Vegas, Like Mike, c'est ce que je vous cale côté son dance floor dans un instant. Le temps pour nous de réécouter rapidement le Battle Fun Express du jour, quand il y a le principe très très simple pour repartir avec vos places de ciné. Micro. Le micro. Souvent en radio, quand le micro est allumé, c'est tout de suite plus facile pour parler. Ah oui, totalement. Alors, vous passez un extrait d'une chanson, vous devez reconnaître le titre ou l'artiste et envoyer la réponse par SMS au 3044, c'est 50 centimes par message. Et on a quelques petits indices pour vous. Elle a 28 ans, son vrai nom c'est Robin Fenty et eh bien elle a été draguée par le chanteur Drake. Là, je pense qu'on a tout dit. Ah oui, c'est sûr. Ah, super connu ce titre quand même, les amis. Allez, je vous aide encore, son surnom c'est Riri. Vous pensez? Vous reconnaissez? Vous retrouvez? Allez, ça se passe maintenant par SMS au 3044 pour 50 centimes le SMS, bonne chance. Prenez une bonne dose de fun. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Bon, t'as pas oublié les maillots? Non. Les valises, elles sont dans la voiture? La voiture?

Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Laisse-moi devenir meilleur. Laisse-moi réparer mes erreurs. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. Passe-moi, passe-moi, oui, passe-moi, je rêve. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, cette fois sera la bonne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. J'ai tout gâché, maintenant tu m'abandonnes. Je l'ai mérité dans les rues, je vagabonde. J'ai mérité dans les rues, je vagabonde. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. Je changerai la donne. Fais-moi confiance, je changerai la donne. T'as tout gâché dans les rues, elle t'abandonne. 8h36 sur Fun Radio, merci de démarrer la journée, terminer la semaine en notre compagnie avec dans quelques secondes le duo qui cartonne, Tiesto John Legend, Summer Night, c'est ce qui arrive. Le temps pour nous d'appeler le gagnant du Battle Fun de jour, le principe qu'aurait été très simple, fallait reconnaître le titre de la chanson ou encore le nom de l'artiste. Réécoutez, c'était le Battle Fun de jour, un extrait qui a été modifié par notre réalisateur Étienne. Avec comme indice, surnom Riri, 28 ans, son vrai nom c'est Robin Fenty et elle a été draguée par le chanteur Drake. On a Thierry qui est avec nous par téléphone, il habite Bâtisse, c'est ça? Et il a 45 ans, salut mon Thierry. Bonjour. Comment bonjour. Ça va bien ce matin? Ah super, super, très bien. Écoute merci. Thierry, je pense que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu as trouvé la bonne réponse, je pense? Ben oui, je pense, c'était Rihanna. Rihanna et Diamonds, bonne réponse. Ouais. Wow. On t'envoie tes places de ciné à la maison, mon Thierry. Le temps de vérifier l'extrait et d'écouter la version originale. Reste bien en antenne avec nous à prendre tes cornets. Est-ce que toi, tu avais, Thierry, dans ton adolescence, un job étudiant un peu originel comme ça ou un job qui t'a fait rêver? Non, pas spécialement. Tu travaillais pas quand tu étais jeune? Si, je travaille quand j'étais jeune. Je travaillais comme étudiant. Et tu as fait quoi, par exemple? J'étais manœuvre dans une entreprise de construction. D'accord, bah c'est pas mal effectivement, parce qu'il faut pouvoir faire un petit peu tout. Thierry, je te fais des bisous, à très bientôt et puis merci de nous écouter le matin. Allez, au plaisir. À très bientôt, excellente journée à toi. Et dans quelques secondes, on parlera des toutes nouvelles caméras Ricoh 360 degrés. On va d'ailleurs vous les offrir, on en a plusieurs à vous offrir sur la page Facebook de Fun Radio, ça se passera tout ce week-end. On fera également un tour du côté des agendas de ce week-end et du jour. Qu'y a-t-il à faire de sympa à Bruxelles en Wallonie? Ce sont les idées de sortie du vendredi, à tout de suite. Ça fait 2 mois qu'on ne les a plus vus. Ils seront de retour le 22 août. Enfin, s'ils se souviennent de l'adresse de la radio. Allez, tourne à gauche, Fab. Fab, à gauche, Fab. Ah, ou en fait, fallait peut-être aller à droite. L'Happy Hour sur Fun Radio. Comment bien manger? Quand on n'a pas de verger. Chez Deleuze, les prunes sont enfin arrivées. Les rouges, super bonnes à croquer. Les jaunes, si juteuses. Les reines Claude bien sucrées. Et les présidents, idéal pour la cuisson. Et on a gardé le meilleur pour la fin. Jusqu'au 24 août, elles sont à moins 30% le kilo. Deleuze, bien acheté, bien mangé. La première fois que vous l'avez entendu, c'était sur Fun Radio. Tiesto et John Legend. Summer Nights, les sons dance floor. En premier, c'est sur Fun Radio. Fun Radio. I see you in my head. You ain't like the rest. You ain't bringing me down, baby. You're right next to me. We're making history. The sun's about to go down, baby. go down, baby. It wasn't just a dream, I guess it's meant to be. I got to tell you right now, baby. Quoi de mieux pour entamer la journée du bon pied qu'écouter Fun Radio? Vous avez fait le bon choix de nous suivre, car dans quelques instants, c'est Ira et Stréphier Bonne Bonne que je vous balance côté son dance floor à 8h42. Et c'est juste après ça. Les idées de sortie, c'est dans Summer Fun sur Fun Radio. Et Coralie, on commence les idées de sortie du jour avec un festival pour les jeunes du côté d'Ixelles. C'est l'Urban Art Solidarity Festival. C'est le tout nouveau festival de prévention pour les jeunes organisé par SIDASOS en collaboration avec la commune d'Ixelles en plus. Génial. Donc l'idée, c'est mêler activités autour des arts urbains et sensibilisation à différentes thématiques avec l'aide de l'ensemble des acteurs jeunesse, santé et culture de la commune, de manière ludique et interactive, sans tabou ni complexe, pour ça pour bien faire la prévention sur le sida et profiter un petit peu d'une belle journée autour dans un cadre un petit peu agréable. Donc le but, c'est de s'amuser et d'y aller entre jeunes, pourquoi pas entre potes ou en famille même. Exactement, il y a plein d'activités qui vous sont proposées, il y a des battles de graffiti, un atelier créé, initiation au longboard, show et initiation à la danse aussi, mur d'escalade, spectacle de cirque, initiation à la boxe et encore plusieurs concerts et en acoustique. Plein de bonnes choses, ça se passe du côté de la place Flagey à Ixelles, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, un site internet où on peut retrouver des infos, en Facebook peut-être. www.solidarityfestival.be. Et puis là, on change complètement d'endroit, on part dans le Hainaut, du côté de Mons. Et oui, on va parler des jardins d'été. Alors, au programme de l'édition 2016, des animations pour tous les goûts, tous les âges. En plus de tout ça, c'est gratuit de nouveau. Donc, il y aura un bac à sable géant, un espace détente, des cartes, des jeux d'extérieur, une pêche au canard pour les plus jeunes et encore bien d'autres activités qui vous seront proposées. Ouvert à tous, c'est plutôt sympa. C'est l'été, c'est estival, c'est les jardins d'été de Mons. C'est ouvert à tous également. Et puis là, les infos, ça se passe également sur internet. www.monscentreville.be. Merci beaucoup, Coralie. Les idées de sortie du jour sont retrouvées dès maintenant sur la page Facebook de l'émission. Moi, ce que j'aime au barbecue, c'est une bonne merguez. Alors, un bon conseil, préparez déjà les braises, parce que nos bonnes merguez sont en promo. Hein, petit ? Ah ouais, et si le feu ne démarre pas, j'ai un truc pour saisir les merguez, comme ça. Bouh ! Ah, tu m'as saisi ! Ça marche. Tu m'as saisi ! Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos délicieuses merguez sont en 4 plus 2 gratuits. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Un correspondant, qu'est-ce que c'est ? Et c'est qui la Gauthier qui boit la bière ? Je te présente Sacha. Fun Radio vous invite à l'avant-première du film Le Correspondant, le mardi 23 août à l'UGC Toison d'Or, avec la présence de Jimmy Labeu après la projection. Règle A, on doit devenir camarade avec son correspondant. Je te préviens, toi tu dors par terre. Pour remporter vos places, envoyez Ciné au 6322 et découvrez tout de suite si vous avez gagné. Chérie, on a un gros problème avec la petite Bosch. T'as pas pu faire l'espagnol, toi ? Ciné au 6322, 1 euro par message. Radio. Your radio, le son, dance floor. I took a pill in Ibiza to show Avicii I was cool. And when I finally got sober, felt 10 years older, but it was something to do. I'm living out in LA. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls' shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know a sad soul, sad soul, darling. Oh, I know.

Merci de démarrer la journée sur Fun Radio dans quelques secondes. C'est Roi de Magan qui arrive sur Fun. Ça sent bon l'été, ça sent le soleil et les vacances. Et c'est ce que je vous cale dans un instant. Tu connais? Tu connais pas? C'est le What Is That sur Fun Radio. Et pour parler du What Is That du jour, on accueille Guillaume qui est avec nous par téléphone. Salut Guillaume. Bonjour Anto. Tu es spécialiste digital et objets connectés pour la société Ricoh justement, qu'on va mettre en avant aujourd'hui parce que vous avez une gamme de produits plutôt sympa. C'est exact. Alors Ricoh, imagine, est une entreprise majeure dans la fabrication d'appareils photo, notamment avec les appareils photo Ricoh et Pentax. Oui. Nous avons une large gamme de produits qui s'étend des caméras destinées aux professionnels avec des réflexes, des moyens formats, mais aussi des caméras destinées aux amateurs. Alors avec des hybrides, des compacts, des action cam, et depuis pas longtemps, notre caméra 360, la Ricoh Theta S. Justement, on va en parler aujourd'hui de cette caméra Ricoh Theta S qui est franchement exceptionnelle pour pouvoir filmer à 360 degrés. Ben, c'est le cas de le dire, c'est une caméra qui permet de capturer des images et des vidéos en 360 degrés en un seul pic. À très haute résolution, donc on est sur 14 millions de pixels, on est en full HD, on peut stocker 1600 photos, 65 minutes de vidéos, on peut faire du streaming sur YouTube. Et elle est toute légère aussi, c'est une toute petite caméra. C'est une caméra qui a un design unique, a gagné plusieurs prix justement pour son design et pour la portabilité, le fait de pouvoir la mettre dans la poche et sortir faire des selfies en 360. Simplicité d'utilisation, elle est compatible sur Android, iOS, Windows et Mac. Donc en fait on peut même l'utiliser via son smartphone, c'est ça? Bien sûr, on peut piloter la caméra depuis son smartphone en prenant des photos qui se transfèrent directement sur son smartphone. Le tout pouvant être partagé sur Facebook, Twitter, Tumblr, YouTube, Dailymotion, etc. Eh bien, c'est génial cette caméra, dis donc, c'est le futur. Vous avez un site internet, peut-être Guillaume, ou une page Facebook sur laquelle on peut retrouver toutes les infos de ces produits? Bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur www.ricoh-imagine.be ou sur notre page Facebook Ricoh Imagine Benelux. Et grâce à vous, Guillaume, ce matin, on a des caméras Ricoh Theta S à vous offrir, les amis. Alors, pour participer et tenter votre chance, très très simple, vous allez dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio, vous likez le statut, vous partagez le statut, puis vous commentez avec quel ami vous aimeriez y aller. Vous likez également la page de Ricoh Imagine Benelux. Dès que tout ça est fait, tirage au sort lundi pour tenter de remporter votre caméra 360 degrés. Merci beaucoup, Guillaume. Merci Anto, bonne journée. A très bientôt, excellente Bisous. Journée à vous. Attention, cette caméra exceptionnelle est à gagner tout ce week-end sur la page Facebook de Fun Radio. Alors allez-y, tentez votre chance. Dans quelques secondes, on vous appelle l'un ou l'une d'entre vous, Coralie, pour remporter vos accès pour le Wave Karting à Nieuport. Comment vous inscrire, comment participer, je vous l'explique dans quelques secondes. Et c'est après ça. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Pongo cara de malo y se sienta. Si tu chica no quiere conmigo, tranquilo.

Radio. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. On démarre la journée ensemble sur Fun Radio à 9h06 avec la danoise Mo et Final Song. On appelle là en l'une d'entre vous dans quelques secondes pour bien vous offrir vos places pour le Wave Karting. Le temps de vous rappeler qu'on vous offre également plein de cadeaux, notamment des entrées pour aller à l'avant-première du tout nouveau film Le Correspondant, le film de Jimmy Labeu qui a été réalisé par les réalisateurs de Soda. Franchement, on a vu la bande-annonce, Coralie, et ah ça gère. Ouais. Il a l'air super bien. Franchement, moi j'ai vu et j'attends juste qu'il sorte pour pouvoir aller le voir. Eh bien, l'avant-première, ça se passera le 23 août ici à Bruxelles, à l'UGC Toison d'Or. Alors, pour tenter votre chance et tenter d'aller voir justement cette avant-première qui déchire en présence de Jimmy Labeu, eh bien, vous envoyez un petit SMS dès maintenant au 6322 en envoyant le code CINE, C-I-N-E, au 6322 pour 1€ le message. Et vous saurez tout de suite, dans la seconde, si vous avez remporté les places parce que vous recevez un petit SMS de retour. Avant ça, on part du côté de la mer du Nord, Coralie, avec le Wave Karting. Le Wave Karting, vous pourrez venir passer une journée avec toute la team de Fun Radio pour tester cette activité pleine de sensations. Ça se passe du côté de Nieuport. On a Michael qui est avec nous, il a 54 ans, il habite le Saint-Pierre. Salut. 24 ans, oh, je t'ai vieilli, désolé Michael. Comment ça va bien ce matin? Pas de problème. Ça va très bien, et vous? Bah écoute, très très bien. Tu as déjà eu, toi, des jobs étudiants comme ça, un peu originaux dans ton adolescence? Pas spécialement, non. T'as fait quoi? Je suis comme... électricien, donc. Et dans ton adolescence, t'as fait quoi comme job étudiant? Juste des travaux d'électricien. Ah, déjà, donc tu étais déjà à fond là-dedans, oui. Étant ado. Oui. Eh bien, écoute, plutôt pas mal. On a eu quelques réactions qu'on va lire dans un instant. Juste avant, Michael, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu repars avec tes places pour le Wave Karting. Bravo! Ouais! Merci, super! On t'envoie tout ça à la maison, évidemment, Michael. Je te souhaite une excellente journée et puis à très bientôt. Merci. Des bisous, Mickaël. À bientôt. On a eu quelques petites réactions par rapport au sujet du jour, les jobs étudiants originaux. On a d'ailleurs un petit message de Joachim qui me dit: moi, je bosse en étudiant chez Shanks dans les containers. Je gagne 16,50€ net de l'heure. Oh purée, c'est énorme. C'est pas mal. Travailler dans les containers. Ah ouais, c'est des réactions sur Facebook également, Coralie. Oui, on a posé la question: est-ce que vous avez déjà eu des jobs étudiants? Alors on nous a dit non, pas encore, mais normalement pour l'année prochaine. C'est sûr qu'on est jeune, c'est un peu compliqué. On dit oui, j'en fais un actuellement. On dit oui, évidemment. Oui, mais pas ces deux dernières années. Je fais partie de ces personnes nées en septembre. Du coup, bah voilà, je ne peux pas encore travailler pendant ces vacances. C'est pas bête, ça, dit donc. C'est ennuyant, ça. D'ailleurs, nous, c'est un encouragement qu'on vous donne. Allez bosser, les amis. C'est franchement sympa, Coralie. On l'a fait tous les deux étant ado. Oui. Et franchement, c'est sympa de se lever à 5h du matin pour aller prester 8h dans une journée et puis avoir son propre argent et pouvoir être indépendant. Surtout avoir son propre argent. On peut se permettre de faire toutes les choses qu'on a envie de faire sans devoir dépendre de ses parents. Et puis, eux aussi sont quand même fiers de nous après. Évidemment. Et nous, on va être fiers de vous parce qu'on vous offre un cadeau exceptionnel sur la page Facebook de Fun Radio. Vous allez pouvoir repartir avec la toute nouvelle Ricoh Theta S 360 degrés d'une valeur de 400€ pour tenter de remporter cette toute nouvelle caméra qui va être en ligne là dans quelques petites secondes. Vous likez le statut, vous likez les pages Summer Fun et Ricoh Imaging et vous commentez quel endroit, quelle chose, quelle activité bien vous filmerez avec cette caméra. Et puis tirage au sort, ça se passera lundi. Toutes les infos dès maintenant sur la page Facebook de Fun Radio. Coralie, c'est la fin de semaine pour nous. On se retrouve déjà lundi dès 6h avec beaucoup de plaisir. Oui. Avec évidemment encore des cadeaux, des surprises et puis le meilleur du Sun Dance Floor. D'ici là, c'est Lloyd qui débarque avec évidemment le meilleur du Sun Dance Floor jusqu'à 13h. Nous, ce week-end, Coralie, on va essayer Je peux pas pister Bruxelles. Ah, qui veut pister Bruxelles par exemple? On va vous poster toutes les infos sur Facebook. D'ailleurs, on va vous faire suivre l'enquête qu'on va suivre et qu'on va faire. C'est plutôt sympa et c'est original. À suivre donc sur les réseaux sociaux. Excellent week-end à vous. Faites plein de bêtises, mais faites-les bien. À suivre, c'est moi et Final Song sur Fun à 9h10. Bon week-end. I lose everything I have found. Heartstrings, violence. That's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Song.